Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons entamer l'émission avec un sujet de saison, l'arrivée des rhumes, des grippes et autres infections respiratoires. Quand ça nous arrive que cela arrive à nos enfants, on ne sait pas trop à partir de quand consulter le médecin, s'il faut prendre des antibiotiques et quels antibiotiques. Et pour nous aider à prendre cette décision, la Bibliothèque de la Ville de Québec, la chaire de recherche du Canada en décision partagée et appliquée des connaissances et la journaliste Valérie Borde ont développé un projet original qui consiste en une série de conférences dans les bibliothèques de la ville. Et Valérie Borde est avec nous pour nous en parler. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors dis-moi Valérie, en fait, quelle est l'origine de ce projet? Quel est l'objectif? Est-ce que ça émane des médecins eux-mêmes? Est-ce que c'est la bibliothèque? Comment que c'est parti? Ça émane de la chaire de décision de la chaire de recherche en décision partagée et application des connaissances, donc dont la titulaire est la docteure France Légaré, qui elle travaille depuis très longtemps sur la décision partagée, sur la manière dont une décision se prend dans un cabinet médical entre un médecin et son patient. Et elle s'est intéressée au travers de ses recherches à la question entourant la décision de prendre ou non des antibiotiques pour les infections des voies respiratoires, donc otite, sinusite, etc. Et elle trouvait que c'était des informations qui étaient très importantes à amener directement à la population, d'où cette collaboration avec la Bibliothèque de Québec, puisqu'il y a 40% des habitants de la ville de Québec qui sont membres de la bibliothèque, qui sont abonnés. Donc ça permet de rejoindre un très large public. Et puis moi j'assure comme spécialiste en vulgarisation scientifique un peu l'interface entre ce monde médical et monsieur et madame tout le monde qui va dans les bibliothèques. Ouais. Mais là, pour être un petit peu plus clair, en fait, la décision partagée, c'est-à-dire que c'est en opposition par rapport à d'autres situations où quand on va chez le médecin, puis le médecin nous dit, prenez ça, et puis vous le prenez pendant 3 jours ou 10 jours, et puis voilà, c'est comme ça. Que là, ce serait donc une prise de décision, le patient et le médecin discutent ensemble. Tout à fait. C'est le résultat d'un dialogue, puis c'est vraiment une nouvelle manière de pratiquer la médecine qui est en plein développement. Alors, c'est sûr qu'il y a, c'est pas encore tous les médecins qui travaillent comme ça, mais de plus en plus de médecins font appel à ces principes-là. L'idée, c'est qu'avant, la médecine, c'était très paternaliste. On allait voir le docteur, puis c'était presque Dieu en personne qui nous disait quoi faire, puis on l'écoutait, c'était tout. Ensuite, on est passé par une phase de patient consommateur, là où on va sur Internet, on cherche tout ce qu'on a, on arrive chez le docteur, on sait déjà ce qu'on a, puis on lui dit ce qu'on veut. Puis ça, c'est un peu problématique aussi, parce que d'abord, l'information n'est pas fiable, et d'autre part, on n'est quand même pas médecin, on ne sait pas s'observer, regarder nos symptômes, etc. La décision partagée, c'est vraiment un dialogue qui s'instaure entre le médecin et son patient, où le médecin pose son diagnostic avec en plus des outils d'aide à la décision qui lui permettent de vraiment avoir le diagnostic le plus clair possible, expose au patient diverses options avec les risques et les bénéfices pour chacune des options et discute un peu avec le patient pour savoir ce qui est important pour lui et ce qui est probablement le plus adapté à sa situation. D'accord. Et donc, pourquoi faire cette démarche concernant les antibiotiques? Qu'est-ce que c'est le problème si on prend des antibiotiques alors que peut-être on n'en avait pas besoin? Il est où le problème? Bon, le problème actuellement, c'est qu'on sait qu'il y a à peu près dans les 2/3 des infections respiratoires des voies supérieures, là, dont on a parlé tantôt, les 2/3 sont à peu près causés par des virus, mais les 2/3 sont à peu près soignés par des antibiotiques. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des antibiotiques pour rien. Or, pourquoi? C'est une question de tradition là. D'abord, on a le choix quand on est face à un microbe, on a le choix souvent entre un antibiotique ou pas de médicament. Donc beaucoup de gens refusent d'aller chez le médecin puis d'attendre 4 heures au sans rendez-vous pour se faire dire je peux rien faire pour vous, prenez du Tylenol puis attendez que ça passe. Donc il y a une pression qui est mise sur les antibiotiques, sur les médecins pour qu'ils prescrivent des antibiotiques. Les médecins eux-mêmes des fois sont tentés de prescrire les antibiotiques au cas où, comme vous disiez. Mais évidemment, on le sait, les antibiotiques, c'est pas dénué d'effets secondaires non plus. Et puis surtout, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on observe ce phénomène de résistance des microbes aux antibiotiques dont on parle de plus en plus, dont on sait aujourd'hui qu'il fait déjà à peu près 10 000 morts par an, parce que on voit de plus en plus de bactéries qui résistent aux antibiotiques. Puis des bactéries qui donnent pas une petite otite ou quelque chose choses comme ça qui donnent des maladies graves et mortelles. D'accord, donc il y a des effets secondaires sur d'autres qui sont des effets qui sont pas du tout secondaires pour d'autres personnes. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc il y a une responsabilité aujourd'hui collective de faire attention à la manière dont on utilise des antibiotiques, parce que des nouveaux antibiotiques, il y en a à peu près pas. Donc il faut qu'on essaye de préserver au maximum les antibiotiques dont on dispose aujourd'hui et qu'on les utilise donc à bon escient. Et ce que les études, notamment les études de Dr Légaré, montrent, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisés strictement pour rien, qui n'apporte aucun bénéfice. Ouais. Et ce qu'on ignore aussi souvent, c'est qu'on se dit quand on va chez le médecin, bon, si j'ai un virus, ok, je prends pas d'antibiotiques, mais si j'ai une bactérie, là j'en veux. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on sait tout le temps que les bactéries, que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, donc contre le rhume? Oui, alors tout à fait. Effectivement, c'est la première chose. D'abord, il y a encore beaucoup de gens qui savent pas que les antibiotiques sont totalement inefficaces contre un virus. Hein. Mm-hmm. Un antibiotique, ça fait vraiment rien sur un virus. Et que le rhume, c'est la grippe, ce sont des virus. Les bronchites, par exemple, les études montrent que c'est presque toujours des virus. Donc, un antibiotique contre une bronchite, là, si vous êtes quelqu'un en bonne santé, qui est pas un ancien fumeur ou qui avait pas une condition particulière, très probablement que vous allez avoir un virus puis que l'antibiotique servira à rien. Donc c'est important de pas prescrire des antibiotiques contre des virus, évidemment, mais même quand on parle de bactéries, la plupart des infections respiratoires qui sont causées par des bactéries, comme par exemple les otites qui sont causées très souvent par des bactéries, se guérissent très bien sans antibiotiques. Il faut bien réaliser, et ça c'est ce que montrent les études aussi, c'est que les antibiotiques dans le cadre de ces maladies-là qui sont très ordinaires et très courantes ne présentent pas grand avantage parce qu'ils préviennent pas les complications. Tout ce qu'ils font, c'est finalement souvent avancer de quelques heures la guérison ou de quelques jours. Donc, mettons une otite, au lieu de durer 3 jours, elle va durer 2,8 jours avec un antibiotique. Ouais, on a Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et en plus, les antibiotiques vont pas marcher sur tout le monde. C'est ça que montrent les études aussi. Hein. S'il y a 100 personnes qui ont une infection respiratoire bactérienne et qu'on leur donne un antibiotique, il y en a seulement 10, quand on regarde les études, qui vont vraiment tirer parti de l'antibiotique. Qui vont tirer parti de cette petite amélioration de demi-journée. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une décision à réfléchir comme il faut, parce que finalement, quand on regarde ça, il n'y a pas beaucoup de bénéfices à prendre des antibiotiques pour ces maladies-là. Et ça peut quand même être une option intéressante, hein, si vous êtes à la veille de partir en croisière. Peut-être qu'une demi-journée de symptômes sur votre semaine de croisière, ça va vous tenter de ne pas les avoir. Ou à la veille d'un événement important dans notre carrière, ou quelque chose, c'est ça, d'un examen. C'est ça. Peut-être que par contre, si vous n'avez rien de prévu chez vous, puis que votre situation empire pas, que vous êtes malade, mais pas à l'article de la mort, là, vous allez peut-être être capable de l'atoffer la demi-journée. C'est ça, fait que finalement, c'est un petit bénéfice pour nous, mais en contrepartie, si on prend trop d'antibiotiques pour tous bénéficier de ce petit avantage, il y a beaucoup d'effets dramatiques pour d'autres personnes qui vont être affectées pour nous plus tard, quand on va croiser une autre bactérie, puis on n'a plus d'antibiotiques contre cette méchante bactérie. D'accord. Tout à fait, exactement. Donc là, la démarche, la décision partagée, c'est d'engager ce dialogue pour informer le patient des risques, avantages, en fonction de son état de maladie, des symptômes qui sont présentés. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment le dialogue médecin-patient. Et ce que les études montrent aussi, c'est que quand les médecins comme ça discutent avec leurs patients des antibiotiques, les patients ont tendance à moins en prendre. Ah oui. Ça, ce que ça veut dire, c'est que nous tous, comme patients, quand on est malade, là, on a tendance à moins vouloir d'antibiotiques que ce que les médecins auraient tendance à nous prescrire. Et beaucoup moins, presque 2 fois moins. Donc, ça fait une grosse différence de pouvoir discuter le traitement parce que ça veut peut-être dire qu'on est prêt à se faire prendre, entre guillemets, des risques de pas prendre d'antibiotiques ou à accepter les risques ou accepter de se passer des bénéfices potentiels plus que ce que le monde médical voudrait faire peut-être pour nous protéger. Puis peut-être que ultérieurement même on pourrait éviter d'aller chez le médecin sachant ce petit bénéfice seulement qu'il y a aller chercher. Tout à fait. C'est ce qu'on explique, entre autres. D'où l'idée de la conférence pour aller être informé de cette série de conférences, pour s'informer de ses avantages, inconvénients, etc. Tout à fait. Ces conférences-là, moi, je les donne en collaboration avec un médecin. À chaque fois, dans chacune des conférences, je suis sur place avec un médecin différent qui explique vraiment aux gens aussi quand consulter, parce qu'on le sait, quand ça nous tombe dessus, un rhume, on ne sait jamais trop au bout de combien de temps faut qu'on s'inquiète, qu'est-ce qui doit nous inquiéter. Un enfant qui... un enfant qui a l'air d'avoir mal aux oreilles, là, on a toujours envie d'aller voir, là. Est-ce que c'est une bonne idée? À partir de quand? Donc, c'est toutes ces choses-là que les médecins expliquent pendant les conférences, là, qui sont. Donc, c'est une conférence à deux où vous-même vous donnez des informations, puis le médecin, c'est une interaction entre vous deux? Oui, c'est ça. C'est une interaction entre nous deux. Et puis, évidemment, les gens qui participent à la conférence peuvent poser toutes sortes de questions. Oui, c'est ce que je Et puis, moi, comme vulgarisatrice, je facilite un peu la tâche et au public et au médecin pour que les deux arrivent à se comprendre comme il faut. Là. Parce qu'idéalement, après, on peut se dire, si les gens sont eux-mêmes un peu informés, peut-être qu'ils n'iront pas consulter. Certains n'iront peut-être pas consulter le médecin. Mettons, par exemple, un cas idéal. Là, je suis juste enrhumée depuis hier. Je sais que le virus, le rhume, c'est un virus. Les antibiotiques ne feront rien. Je vais pas aller consulter. Puis, par chance, mon rhume se soigne pendant les trois jours tout qui à suivent. Fait, là. Tout à fait. Puis, donc, c'est important. Ça évite d'encombrer le réseau et ça permet, ça donne l'accès à d'autres personnes qui ont réellement besoin du tout à fait, rapidement. Tout à fait. Ça évite aussi, accessoirement, d'aller des fois attendre 4 heures sans rendez-vous pour rien. Ça permet de finalement, dans ce système-là, tout le monde y gagne parce que nous, comme patients, on est mieux soignés parce que souvent, on est en accord avec la décision qui a été prise pour nous. On comprend mieux, on sait à quoi il faut s'attendre. Le médecin, c'est plus satisfaisant pour lui aussi parce qu'il s'est assuré qu'il nous donne un traitement qui nous convient, tout en étant basé sur la science. C'est pas le patient qui choisit le médecin, qui choisit le traitement. C'est vraiment l'approche médicale persiste là. Et puis pour le système de santé, c'est sûr que c'est mieux parce que ça évite en fait finalement à beaucoup de gens d'aller consulter, d'avoir des patients informés et responsables. C'est probablement la manière dont on va peut-être arriver à sauver notre système de santé. Donc, alors ces conférences, on peut aller les écouter quand là il y en avait une dizaine, je crois. Oui, il y en a une dizaine, il y en a quelques-unes qui ont déjà eu lieu, il y en reste encore. La prochaine, ça va être lundi prochain, le 24, à Beauport, à 2h de l'après-midi. On a varié un peu et les lieux et les horaires. La suivante est le 1er novembre au Collège des Jésuites, à la Bibliothèque Collège des Jésuites. Puis le 5 novembre à Gabriel Roy en matinée, à Monique Corriveau le 15 novembre le soir. Et le 30 novembre, je ne me souviens plus dans quelle bibliothèque, il me semble que c'est dans le coin de Val-Bélair. Mais si vous allez sur le site de la Bibliothèque de Québec, vous allez voir cette activité qui s'intitule donc « Ma santé, c'est mon choix ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les antibiotiques, une décision partagée. D'accord, donc on va trouver l'information. Et ces conférences-là sont gratuites. Évidemment, il faut réserver par contre, comme souvent dans les activités des bibliothèques. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Donc, merci Valérie. Je rappelle que Valérie Borde est journaliste à l'actualité et aussi consultante scientifique pour diverses activités comme celle-là notamment d'ailleurs. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous, de notre côté, on va passer en musique sur CKRL au 89.1.